Vous écoutez donc Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et comme François le disait avec un petit chat dans la gorge, François Futur Simple a eu 20 ans cet automne. Nous en sommes donc à notre 21e saison, ce qui est tout à fait remarquable pour deux raisons. La première, c'est que Futur Simple, c'est une émission de science et les émissions radio de science sont assez rares. C'est donc tout à l'honneur de CKRL de maintenir pendant plus de 20 ans une case science dans sa programmation. Et la deuxième raison, c'est que vous savez, la majorité la quasi-majorité des chroniqueurs et animateurs des émissions de CKRL sont bénévoles. Ça veut dire que pour maintenir une émission, il faut aussi maintenir une équipe de bénévoles. Donc, dans le cas de Futur Simple, ça fait 20 ans que des bénévoles se relaient au micro pour assurer la pérennité d'une émission de science à CKRL. Alors, bravo à tous ces artisans de Futur Simple. Et on va y revenir un petit peu à tous ces artisans, mais pour le moment, commençons par le début. Alors, comment est né Futur Simple? Eh bien, l'histoire a commencé avec Marianne Kugler. Elle était à cette époque-là professeure au département d'information et de la communication à l'Université Laval. Et elle est maintenant avec nous au studio. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors Marianne, comment est venu ce projet? Est-ce qu'il émanait de vous-même, de l'université? Non, pas du tout. En fait, il émanait du ministère de la Culture. Du ministère de la Culture. Oui, à l'époque, sans doute que la culture scientifique faisait partie du ministère de la Culture ou était dans ses mandats. Alors, Madame Lise Santerre a appelé au département en disant « Nous avons de l'argent dans un programme qui s'appelait « Étaler votre science » et on voudrait qu'il y ait une émission de culture scientifique à Québec. » Bien. Et c'est tombé chez un professeur de journalisme de mes collègues, François Demers, et lui, ça l'intéressait pas, la culture scientifique n'était pas dans ses priorités de recherche ni dans ses intérêts. Mais moi, je venais d'être engagée au département avec, entre autres, comme mandat, la culture scientifique. Ah, ça tombait en plein dans la vos cordes. La vulgarisation, ouais. Etc. Alors, il est venu me voir. Et moi, bon, jeune professeur, comme vous dites, toujours très enthousiaste, je commençais, j'avais vraiment envie. Et j'avais à ce moment-là aussi une étudiante qui était très motivée par la communication scientifique, qui est Isabelle Goupy-Sormani. Donc, quand on nous a dit qu'on avait peut-être de l'argent pour faire peut-être une émission scientifique, on s'est mis à la tâche et on a appelé CKRL pour leur demander « Est-ce que ça vous intéresserait? » Oui. Et ils ont dit oui. Ah. Donc, pourquoi on a travaillé le premier été. On a préparé, disons, pour une entrée en onde en septembre. Donc, ça, c'était, on était en 96. On était en 96. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on était en 96. Donc, l'émission a commencé en septembre 96. C'est ça. Donc, elle a eu un an en 97. Ouais. 20 ans, c'est en 2017. Et Marianne, pourquoi vous avez choisi CKRL plutôt qu'une autre station de radio? C'est plus facile dans une radio communautaire parce qu'il y a des créneaux ouverts pour le bénévolat et donc il y a toujours un appel de candidature et j'ai posé ma candidature en demandant « Bon, est-ce que vous seriez intéressé? » OK. Est-ce qu'il y avait d'autres radios communautaires comme CKIA? J'imagine que c'était peut-être pas ouvert déjà. CKIA n'était pas ouvert. À Québec, c'était la seule. Et en fait, pour faire la petite histoire, moi j'avais été membre du conseil d'administration de CKRL quand CKRL était proche de l'université. Donc c'était vraiment une station que je connaissais et que je savais ouverte à ça. Mais il fallait quand même plusieurs personnes. On ne fait pas une émission juste avec deux personnes, on s'en aperçoit bien. Alors, on a mis des affiches un peu partout dans les départements de sciences et au département de journalisme, etc. Alors, on a recruté donc une animatrice qui est Julie Bélanger, qui maintenant fait partie de la... Je sais pas comment on dit, l'écurie TVA, mais enfin, qui est une vedette de la télévision qui est extrêmement connue, qui était une animatrice super dynamique, qui a pas fait très longtemps avec nous parce qu'au bout de quelques mois, elle a été récupérée par une radio privée pour faire de l'animation. Elle était trop bonne. Et on a aussi eu dans les premiers, donc il y avait Anouk Gingras, Caroline Perron. J'essaie de me rappeler, j'ai pas une excellente mémoire, donc je sais pas qui est rentré dans quel ordre, mais disons dans les premiers, il y avait Anouk, Marie-France, il y avait Hélène Bélanger et son ami de l'époque dont j'ai oublié le nom, Martin Baudin-Lecour et Rémi Thériault, qui, vous le verrez plus tard, a gardé à peu près copie de toutes les émissions. Et il me semble que François est arrivé assez rapidement dans le décor également. Oui. Moi, je suis arrivé en 1997, donc un an après le début. D'accord. Okay. Uh-huh. Et alors, comment tu as été mis au courant de l'émission, toi? Écoute, moi, c'était par le biais de Marie-France Sottil, avec qui je travaillais au ministère de l'Environnement, et avec qui, en fait, qui était une de mes grandes amies. Et elle m'avait parlé de l'émission, et comme moi, dans mon parcours professionnel, j'avais déjà travaillé comme professeur, j'avais enseigné la chimie pendant 4 ans au niveau collégial, et que j'avais adoré la communication scientifique, mais je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant, effectivement, de me joindre à l'équipe. Donc, c'est comme ça que j'ai joint l'équipe de Futur Simple en 1997. Alors ça, c'était ce qui s'est passé il y a 20 ans sur la création de l'équipe, de l'émission. Maintenant, on se retrouve 20 ans plus tard et je vais me tourner vers Tania Beaumont, qui est donc la directrice de programmation de CKRL. Tania, ça veut dire quoi une émission de science dans le calendrier, dans la programmation hebdomadaire de CKRL? Pourquoi avoir une émission de science? Qu'est-ce que ça représente pour CKRL? Mais un peu comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, des émissions de vulgarisation scientifique, de culture scientifique, il n'y en a pas beaucoup à la radio. Donc, le mandat de CKRL, de la radio communautaire, c'est de se démarquer aussi par son contenu, par son propos, ce qui fait qu'en partant, on aime avoir des choses différentes qu'on n'entend pas à la radio. Et bien, c'est une belle opportunité. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une émission comme Futur Simple dans la programmation. Mais surtout, ça prend une bonne émission, un bon magazine, parce que c'est pas facile de faire... Par science, c'est pas toujours très sexy. Non, ouais, c'est pas très sexy. C'est peut-être dur à comprendre. On a tous un contact au secondaire avec la science. Des fois, ça se passe bien. D'autres fois, non. Il faut s'assurer aussi que les gens comprennent de quoi qu'on parle. Donc, c'est très important d'avoir un magazine, de culture scientifique, mais d'en avoir un bon, surtout. Donc là, je suis en train de dire que vous faites une bonne émission. Ben, c'est ce que je comprends. Merci. On le prend. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de l'avoir sur les ondes de CKRL, entre autres. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'on bénéficie, il faut bien le dire, quand même, d'un créneau horaire privilégié, quand même. Oui, parce que si vous avez remarqué, normalement, c'est des magazines culturels, hein, à cette heure-ci. Mm-hmm. Mais puisqu'on parle de culture scientifique, on trouve que ça s'intègre vraiment très, très bien. Et je pense que le jeudi, moi, j'ai souvent eu la chance d'écouter Futur Simple parce que c'est le soir où on s'en va faire des commissions, hein, en sortant de travailler. Donc, je trouve que c'est un bon moment pour s'instruire aussi, juste avant d'arriver peut-être à la fin de semaine où là, on va y aller avec... on va lâcher notre fou un peu. Et moi, je garde de très bons souvenirs d'avoir appris comment on décaféinait le café. Ah oui, par en vous écoutant, j'étais complètement subjuguée de comment ça fonctionnait. Et ce qui est agréable aussi quand on écoute Futur Simple, c'est qu'on se sent intelligent. Et ça, c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles on écoute la radio. Mm-hmm. Parce qu'on veut avoir le sentiment que quelqu'un nous parle, mais aussi parce qu'on aime ça, se sentir intelligent quand on écoute les propos, entre autres. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on écoute Futur Simple. Donc, on peut souhaiter longue vie à Futur Simple sur CKRL, alors, de ce que je comprends. Oui, c'est moi qui prends cette décision-là. Donc, je vais souhaiter longue vie à Futur Simple. Tant que vous êtes là, en tout cas, moi, j'ai pas l'intention de vous tasser de la grille horaire, ça, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Tania. Alors, on va veiller à ce que tu restes longtemps au programmation. Mais pour vrai, je félicite. Merci d'ailleurs d'avoir lancé ce projet. C'est toujours agréable de voir qu'il a continué et qu'il se poursuit. Et je pense que vous manquez pas de sujet non plus pour l'avenir. Donc, non, ça ne manque pas. Ça ne manque vraiment pas. Ben, je vous souhaite un joyeux 20e anniversaire. Ben, merci, Tania. Ça fait plaisir. Merci. Alors, ça, c'était donc ce qui s'est passé. On a parlé du début, on parle de CKRL maintenant. Mais entre-temps, pour que ça se maintienne pendant toutes ces années, il a fallu des dizaines de chroniqueurs qui se relaient au micro. Et oui, je parle de dizaines au pluriel, car on a essayé de faire un tour quand même, par les connexions, Facebook, etc., de retracer toute cette petite communauté. On en a compté 65. C'est quand même... Mais c'est quand le même processus de recrutement était assez... c'était le principe de la boule de neige, c'est-à-dire quelqu'un connaît quelqu'un, comme le François est recruté par Marie-France. Ouais. Alors ça, il y avait toujours une certaine relève. Ça a été, je pense... Moi, je félicite tous ces bénévoles-là parce que, bon, moi, j'ai peut-être... était celle qui a accepté la subvention puis qui a démarré le véhicule, mais je veux dire, c'est vous qui l'avez fait rouler tout ce temps-là. Et dans la tête de la personne du ministère ou dans le mandat du ministère, on avait deux mandats, donc faire une émission de vulgarisation scientifique et aussi donner sa place à la science qui se fait à Québec. Et donc, c'est pour ça qu'il s'était tourné, je pense, vers le département, parce qu'en se disant, à l'université, il y a tellement de... de ressources scientifiques à l'université. Donc, déjà, si on parle de la recherche à l'université, ça va déjà faire beaucoup, mais nous, on s'était ouvert à tous les autres organismes de recherche de la région de Québec. Je propose qu'on fasse un petit tour dans les années 2000 pour retrouver... alors, à l'époque, c'était l'animateur, c'était Rémi Thériault qui était à l'animation de Futur Simple. Donc, on va diffuser un petit extrait de cette d'une émission en 2000. Alors, à l'époque... Futur Simple, c'est quoi? Non. Donc, à l'époque, en fait, avec Rémi Thériault, en fait, était déjà arrivé quand vous étiez là? Oui, moi, j'ai connu Rémi, oui. D'accord. Donc, lui, en fait, était quoi? C'était quoi ça? Il était... Je dois avouer que je ne le sais pas. Je sais qu'actuellement, il est enseignant en français. Ah. Donc, je pense qu'il est venu par les nombreuses affiches. Martin Baudin-Lecour avait fait une affiche absolument extraordinaire avec Einstein qui disait qu'il fallait écouter CKRL. Et donc, cette affiche-là avait eu quand même un bon potentiel de recrutement. Et je pense que Rémi était arrivé par là. Bon, alors on va continuer. Ensuite, on veut l'entendre. All right, boys, come on. Il fait beau, la vie est belle et la Saint-Valentin est dans 2 jours. Aimé ou boudé, cette fête des amoureux ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, à Futur Simple, un débat endiablé sur un sujet aussi vieux que le monde est monde et pourtant encore un peu incompris, un thème qui est un peu la raison de vivre de tout être humain. Nous parlerons aujourd'hui des relations de couple. Nous aurons parmi nous Catherine Bégin de l'Université Laval, responsable de la formation pratique et coordonnatrice adjointe à l'École de psychologie. Restez avec nous, ici Rémi Thériault qui sera avec vous pour la prochaine heure. Nous commençons l'émission avec une chanson de Zébulon et ce sera suivi de l'événement de la semaine préparé par Mélanie Beauregard qui portera sur la mère de toutes les plantes vertes. Et alors, je vous souhaite de passer une bonne émission et à tout de suite. Voilà, alors c'était Rémi Thériault à l'animation de Futur Simple en l'an 2000. Et bien sûr, en l'an 2000, bien mai est arrivé avec la fin de la saison. Et là encore, on va retrouver Rémi Thériault, toujours à l'animation de Futur Simple, à la dernière émission de l'an 2000. On l'écoute? Eh bien oui, c'est la fin de notre émission, la dernière de la saison. Alors, on vous souhaite à tous et à chacun et à chacune et à toutes de passer un agréable été. J'ai autour de moi certaines personnes qui voudraient vous souhaiter, comme moi, un agréable été. On va être sûrement de retour en septembre. On va être de retour en septembre. Checker la programmation de CKRL, on va être là. C'est sûr qu'on va être là. Bon, et bien sur ça, Martine, un petit mot à dire à nos chers auditeurs et auditrices. Bien sûr, après le beau temps, on va envahir CKRL avec Futur Simple. Alors, restez à l'écoute et surtout, consultez les magazines scientifiques. Alors voilà, passez un agréable été et puis on se revoit, enfin, on s'écoute en septembre. Au revoir. À Alors effectivement, l'équipe est revenue en septembre. Cela ne faisait pas de doute à entendre cette joyeuse équipe de mai 2000. Donc Futur Simple est revenu en septembre. Mais quand même, au fil avec le début du 21e siècle, il y a eu du renouvellement quand même dans l'équipe. Les premiers ont quitté le bateau, d'autres se sont joints à l'équipe. Est-ce que vous avez des souvenirs? Moi, j'étais pas encore là. Donc est-ce que vous avez des souvenirs des gens qui sont passés par l'émission à cette époque-là? Oui, moi j'en ai... Toi, François, en fait, tu étais arrivé en 97, mais t'es parti, puis t'es revenu? J'ai resté 2 années, et ensuite je suis revenu en 2001. C'était Denis Côté et Rock Ouimet qui m'avaient demandé de co-animer avec Caroline Perron. Alors, effectivement, je suis revenu comme co-animateur. Alors, ça a duré de septembre 2001 jusqu'à décembre 2005. Et on a eu de nombreux chroniqueurs, comme Denis Côté, qui était psychologue, il faisait beaucoup de chroniques en psychologie. Mm-hmm. Il y avait Dominique Picard, il y avait Gaëlle Hussard-Berdoux, qu'on connaît maintenant, qui est rendu à Radio-Canada. Radio-Canada, oui. Notamment à l'émission Découverte. Les Années Lumières? Maintenant à Découverte, c'est vrai. Mais elle est passée aux Années Lumières, effectivement. Mm-hmm. Il y a eu aussi Geneviève Dorion, Geoffroy Deltel, qui n'a aucune parenté avec... avec un autre. Avec un autre, c'est ça. Julie Godbout, qui faisait son doctorat je pense, la même chose que toi. En foresterie. En foresterie, ouais. Effectivement, qui a animé aussi Futur Simple. Il y a eu aussi Frédéric Bouchard, Mélanie Bourgard, Nadine Alain-Boulay, Sébastien Léonard, qui, eux, ont animé après mon départ, là, en 2006. Il y a eu aussi Rock Ouimet, Sylvie Tap et Mélanie Robitaille. Mm-hmm. Et puis donc, en fait, c'est ça, tu le disais, donc Nadine Alain-Boulay et Sébastien Léonard ont co-animé un certain temps, ont tenu la barre de l'émission quand même un certain temps dans cette période-là. Là. Entre 2006 et 2009 oui, à peu près. Oui, j'ai eu un échange avec Nadine cette semaine pour savoir, elle m'a dit 2002-2008. Oui, c'est ça. Effectivement. Et après ça, mais en fait, en 2009, Valérie, toi, t'es arrivée, non, en 2007, je crois, toi. Moi, je suis arrivée à la fin 2006. Donc, en fait, on va dire que ça fait 10 ans que je suis là. Oui. C'est ça, c'était vraiment novembre-décembre 2006 que je suis arrivée. Et à ce moment-là, il y avait Jean-Louis Tédone, il y avait Olivia Vu, et on était une toute petite équipe à ce moment-là. Oui, mais Olivia, elle était du temps que j'animais, là, en 2001, elle était déjà là, Olivia. Mm-hmm. Oui, effectivement. Ouais. Donc moi, à ce moment-là, Jean-Louis faisait une chronique environnementale et Olivia faisait la revue de presse. Mais il y avait d'autres personnes aussi avec toi. Il y avait Thomas Pacalet, il me semble. Ils sont arrivés plus tard. Donc, effectivement, Stéphane Nicolas, Thomas Pacalet, Éric Gagnon, David Carter se sont joints à l'équipe. Et puis, bon, Nadine, Sébastien, Jean-Louis, Olivia ont quitté le bateau. Donc, il y a eu quelques années. Et toi, à ce moment-là, tu es revenu d'ailleurs. Oui. François, tu es revenu en 2009? En 2009. C'était en automne 2009 parce qu'on s'était rencontrés ici lors d'une formation... Au Radioton. C'était au Radioton. On s'est rencontrés au Radioton. Ah bon, ok, t'as une meilleure mémoire que moi. Et effectivement, c'est là qu'on... En fait, moi, j'avais entendu ton nom à la radio pour Futur Simple. On s'était parlé, puis effectivement, je me demandais si ça m'intéressait de revenir. Et puis, effectivement, je suis revenu. En 2009. Et je suis encore là. Donc, depuis ce temps-là, c'est vous deux qui tenez la barre. Oui, effectivement. Mm-hmm. Et comment ça va? Alors depuis, est-ce que c'est relativement facile de trouver d'autres bénévoles? Est-ce que vous vous sentez des fois tout seul? Je dirais qu'il y a une petite au début, ça a été il y a eu un petit creux. Là, oui. On avait quand même du monde. Je me souviens, il y avait Jonathan Archambault, Philippe Rioux, Myriam Desmarais. Ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait une annonce à l'Université Laval pour recruter. Mais un jour, on a demandé à Raymond Poirier, oui, qui a mis une annonce et à la suite de laquelle on a reçu beaucoup de candidatures. Et depuis, ça ne dérougit pas. On a du monde qui tape aux portes. Félicitations! Effectivement. Et en 2010, on a eu vraiment une bonne cohorte. Là. Ah oui, depuis... donc, on peut quand même leur rendre hommage à tous ces gens. Donc, je me souviens qu'il y avait eu Clément Sirot, d'ailleurs, qui a fait une maîtrise en journalisme scientifique au département, c'est ça. Nicolas Garceau, Bérangère Capdeki. Je me demande si Bérangère n'est pas passée aussi au département. Non, peut-être pas. Camille Vincent, qui est journaliste au Soleil, Adeline Parent, Marie-France Sautil, qui est revenue. Oui. Frédéric Bouchard qui est revenu qui est en ce moment parmi nous, qui nous parle des scientifiques célèbres et inconnus. On a eu aussi Pierre-Olivier Desmarchais qui venait nous parler du droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, c'est absolument passionnant. Oui, puis il était là pendant 3 ans. On a eu aussi Aurélie Lévy qui nous faisait des chroniques pour les sciences pour les jeunes. Oui, ça aussi, c'était vraiment très pertinent. On aimait ça. Ouais. Il y avait aussi Christiane Dupont et Adèle Mazurek dans des chroniques portant plus en biologie. Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique qui s'occupait des questions de chimie. Dominique Matt, Dominique Boudreau aussi. En physique, qui est là en ce moment. Il faut aussi mentionner aussi Morgane Lemasson, qui était en neurosciences et qui nous invitait toujours des professeurs en neurosciences. Donc là, on a appris pas mal de choses sur les neurones à ce moment-là. Bon, puis on peut dire aussi... on a aussi toute une série en nutrition, Karine Gravel, Benjamin Hallès, Geneviève Ouellet-Saint-Hilaire. Il ne faut pas oublier l'archéologie aussi avec Marie-Claude Dionne. Donc ça illustre vraiment la diversité des disciplines que l'on couvre. Effectivement, qui est toujours avec nous. Puis elle est là depuis quand même 2013. Oui. Et on a eu aussi en médecine Moussa Fallor et Marie-Claude Lafitte. Oui, oui. Mm-hmm. Et il y a aussi pendant un an, en 2009, François Desaulniers qui faisait des chroniques en astronomie. Exact, c'est vrai. Et attends, je vois et si puis, j'en ai... Donc on a aussi, depuis quelques années, des professeurs de l'Université Laval aussi. Tout à fait. Donc, on peut parler de Jean-René Roy en astrophysique, Alain Asselin en phytologie, Bruno Gaillet en génie chimique, Édith Delery en éthique de la science et des technologies, et Cyril Barrette en comportement animal et évolution, qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure. Et en fait, c'est grâce donc à toutes ces personnes qui se relaient que l'émission tourne donc depuis 2010 pour notre part, depuis 2009 pour notre part avec François et moi, mais depuis 20 87. ans. Effectivement. C'est ça. Et moi, j'aurais été présent pendant 14 ans sur ces 20 ans-là. Mm-hmm. Et puis, il faut dire aussi que François a fait un extraordinaire travail d'archivage des chroniques depuis son retour en 2010, depuis 2009-2010. Il a archivé sur le site archive.org, donc en accès libre, 700 chroniques. En fait, on est rendu à 741 parce que depuis le temps que je l'ai fait, il y en a 11 qui se sont rajoutés. 741 chroniques donc depuis 2010. Voilà. Félicitations, comme ça, rien ne se perd. Donc, on peut dire qu'il y en avait encore d'autres 2010. Oh, c'est juste un petit fragment, là, c'est un tiers de la vie de Mais sans doute que... Plusieurs se trouvent dans la mémoire ou dans les MP3 de Rémi Thériault, qui en a vraiment gardé beaucoup et grâce à qui on a eu les premières codes sonores. Et aujourd'hui, Marianne, d'ailleurs, est-ce qu'on peut... Parce qu'on parlait de la pertinence de cette émission-là il y a 20 ans, sous une commande du ministère de la Culture. Aujourd'hui, ça reste tout à fait pertinent, j'imagine, qu'on a toujours besoin de science dans les médias. Ça reste tout à fait pertinent et... D'autant plus que c'est la seule à Québec. Les autres sont à Montréal. Et avec le temps, les chroniqueurs de Montréal interrogent de moins en moins des chercheurs de Québec. En tout cas, c'est ce que j'ai fortement l'impression. J'ai l'impression aussi. Et donc, moi, je pense que c'est très important. Le bassin de chercheurs à Québec par rapport à la densité de population de Québec est plus important que le bassin de chercheurs de Montréal par rapport à la population de Montréal. Et je pense qu'il faut donner de la place à cette science-là, qui est aussi celle que tous les auditeurs peuvent côtoyer à tous les jours aussi. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Et évidemment, je ne sais pas si FuturSim pourrait être recréé comme il a été créé il y a 20 ans, parce que la culture scientifique n'a plus vraiment de ministère qui s'en occupe. Et la culture scientifique est un peu laissée aller, orpheline. Hein, et donc, c'est grâce à vous qu'elle a des parents et c'est très bien comme ça. Ben nous, on est les enfants de Marianne. Oui, mais enfin, vous êtes les parents de la suite. Je pense que c'est une émission qui a tout à fait son importance et il faut qu'elle continue, c'est sûr. Et on a besoin de continuer de parler de science dans les médias. François, est-ce qu'on remplit pour 20 autres années? Écoute-moi, dans 20 ans, je ne sais pas si je vais être un sénile ou pas, là, ou Alzheimer. Non, la science, ça reste... Mais pour les 5 prochaines années, je ne dirais pas non, moi, ça c'est certain. Toi, Valérie? On va voir ça. Oui, c'est un fait. Sinon, on va penser à la relève, en tout cas, pour que l'histoire se poursuive. Oui. Alors, Marianne, ben, merci beaucoup d'être venue nous raconter l'origine. Notre histoire. C'est ça, notre histoire. Mais merci de m'avoir invitée, en tout cas. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Marianne Kugler, qui, bon, je ne sais pas comment on peut dire maintenant, mais qui était à l'origine professeure au département de communication et... Information et communication. À l'Université Laval. Alors, merci beaucoup, Marianne. Merci, Marianne. Merci à vous. Merci de l'invitation. C'est émouvant. Oui. Et quant à nous, ben, on va faire notre habituelle pause publicitaire de 18h sur les ondes de CKRL au 89.1.